t'entends pas ça à la radio. Gros, c'est que c'est du vrai peur à gros son de rageux. C'est du son avec une histoire. À chaque note, c'est ma banlieue qui graphique toi. Y'a rien de commercial ici. Si tu cherches du falche, c'est pas ici. Ici, c'est le son d'origine. Gros missile sur domicile. C'est du pur, pas du léger. Lourd comme la street, t'as pigé. On fait du vrai pur. Si on doit prendre des sous, ça se fera. Je fais des morceaux de 7 minutes 50 et je compte dominer le top 50. Je n'accepte aucune pression des maisons de disques. J'y suis hostile, je suis authentique. On s'en fout de tes conditions, on n'a pas les mêmes ambitions. Nous on fait du vrai peur. Tu veux du rap sans opinion, sans prise de position. On fait du vrai peur. Voilà le son de la révolution. Conscient, violent, mais puissant, le vrai peur. Faut pas le gangster, suffit pas d'être vulgaire, frère. T'entends mon son à la radio. Crois-moi, profite-en car ça veut dire que pour une fois il joue du vrai peur. Et pas du rap de plouc avec des prods légères et des textes moins intenses que dans le zouk. C'est quoi ce rap de débutant qui m'attraque sur les sons en espérant tromper le public, changer la nature du peur. Fausser les données, faucher le vrai peur. On ne peut plus rien dire. Les radios ne bastonnent que du rap qui ne veut rien dire. Où est l'essence de notre musique? Les rappeurs lâchent le hip-hop pour la tectonique. Je court-circuite leur projet, je deviens électrique. J'amène le rap de l'ennemi public. Tu peux chercher du talent sur le banc des remplaçants, mais seuls les titulaires ont le vrai son. On s'en fout de tes conditions, on n'a pas les mêmes ambitions. Nous on fait du vrai peur. Tu veux du rap sans opinion, sans prise de position. On fait du vrai peur. Voilà le son de la révolution. Conscient, violent, mais puissant, le vrai peur. Faut pas le gangster, suffit pas d'être vulgaire, frère. Pour faire t'entends pas ça à la radio. Gros, c'est que c'est du bon peur à du gros son de Bajo. Gros son de radio. C'est du gros son de Maboum. Je collectionne les disques de béton. Les majors veulent me ramener dans les champs de coton. Ils veulent asservir mon hip-hop. Produisent plus de contrefaçons qu'à Bangkok. Ils ne veulent prendre aucun risque. Voudraient faire vérifier nos textes par le ministère de la justice. Depuis que les radios mènent la danse, les rappeurs mènent des carrières de 3 minutes 30. Tu veux un single, on s'en fout. On vend des disques avec ou sans vous. Vous défendez vos postes et vos salaires. Pour la riposte, les artistes défendent des carrières. Pas les mêmes enjeux, tu veux nous mettre à genoux, on pourrait te mettre en joue. Pas ton jeu. Balance mon vrai hip-hop, c'est dangereux. On s'en fout de tes conditions, on n'a pas les mêmes ambitions. Nous on fait du vrai peur. Tu veux du rap sans opinion, sans prise de position. On fait du vrai peur. Voilà le son de la révolution. Conscient, violent, mais puissant, le vrai peur. Faut pas le gangster, suffit pas d'être vulgaire, frère. Pour faire du vrai peur. Vrai peur. Non, vrai peur. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont étiquetés pour rap. Les majors veulent du cash, pour moi ils sont tard de ton flow. Tu prêtes à faire du rap sans prendre position. On utilise le rap pour